Si vous désirez reconnaître quand un chrétien est rempli d'esprit, observez son comportement lorsqu'il est dans l'adversité. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Ces caractéristiques se remarquent chez un chrétien rempli de l'esprit. Cependant, nous observons aussi ces caractéristiques chez nos parents, nos amis et nos collègues de travail qui sont non-croyants. Alors, comment peut-on dire que ce sont seulement des caractéristiques d'un chrétien rempli de l'esprit? Aujourd'hui, Charles Stanley explique à quoi ressemble une vie remplie de l'esprit. Si tous peuvent manifester les caractéristiques du fruit de l'esprit nommé précédemment, c'est véritablement dans l'adversité que l'on reconnaîtra le chrétien rempli de l'esprit. Restez des nôtres et écoutez attentivement Charles Stanley qui traite de ce sujet important. Avant de reprendre notre réflexion sur la vie remplie de l'esprit, relisons les textes pour replonger dans le vif du sujet. L'Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 8. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Lisons aussi Galates chapitre 5, les versets 22 et 23. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. J'aime bien le répéter parce que cela est important. Une personne remplie de l'esprit marchera à tout moment sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, soumise à lui et sensible à ses directives. L'esprit sera aux commandes de sa vie. Cela signifie que dans n'importe quelle circonstance, en ce qui concerne toutes nos décisions, toutes nos relations, nous serons sensibles à la direction de l'Esprit que nous accepterons. La plénitude de l'Esprit s'obtient lorsque nous permettons à l'Esprit de se manifester à travers nous, et le but de l'Esprit est de manifester le caractère du Seigneur Jésus. Avoir la plénitude de l'Esprit ne signifie pas que nous ne péchons plus ou que nous avons atteint la perfection. Nous ne serons pas des fanatiques spirituels, pas plus que nous serons très spirituels. Nous aurons une vie surnaturelle, mais pas super spirituelle. Aujourd'hui, je désire souligner un élément important. L'on doit identifier un chrétien rempli de l'Esprit d'après le fruit qu'il porte et non d'après ses œuvres. Ce n'est pas que les œuvres sont sans importance, ce qui sera d'ailleurs le sujet du prochain message. Non, lorsque nous marchons dans la plénitude de l'Esprit, nous sommes des chrétiens actifs, mais le fruit de l'Esprit se rapporte au caractère chrétien. La personne remplie de l'Esprit manifeste les caractéristiques énumérées dans Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si vous désirez savoir de quoi a l'air un chrétien rempli de l'Esprit, cherchez-en un dont la vie manifeste ses caractéristiques. Vous devez examiner votre propre cœur. Ce n'est pas aux autres de le faire pour vous. Il arrive de temps à autre que quelqu'un critique un autre chrétien devant vous. lorsque vous faites face à une personne et que vous lui dites qu'elle ne devrait pas juger, vous pourriez vous faire répondre que la Bible indique qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et la personne qui vous répond pourrait déclarer qu'elle est inspecteur agricole. Personnellement, je ne vois rien dans le verset cité qui m'indique que Dieu veut que j'inspecte le fruit de son esprit. Il affirme simplement que l'on reconnaît le chrétien rempli de l'esprit à son fruit. Pour reconnaître un chrétien spirituel, regardez l'attitude avec laquelle il accomplit ses œuvres et non les œuvres elles-mêmes. Retenons cette pensée et allons examiner deux autres questions. Nous trouvons deux éléments qui distinguent le chrétien rempli de l'esprit de toute autre personne. Je veux que nous les examinions attentivement. Premièrement, une personne qui a la plénitude de l'esprit n'est pas contrôlée par son environnement ou par ses circonstances. Je ne parle pas de la température ou de l'environnement terrestre. Une personne remplie de l'esprit n'est pas contrôlée par ses circonstances. Qu'est-ce que j'entends en affirmant cela? Une personne qui a la plénitude de l'esprit n'est pas à l'abri de la souffrance, des épreuves, du chagrin ou des difficultés. Elle fait des erreurs, elle va trébucher et pécher. Elle peut passer des temps difficiles de persécution et d'incompréhension. Des relations peuvent se terminer avec douleur. La personne spirituelle peut subir une perte d'emploi ou éprouver des difficultés financières. Elle n'aura pas la promotion attendue, par exemple. Ses enfants peuvent quitter le foyer ou faire une fugue. Elle n'est pas non plus à l'abri d'un divorce ou d'une séparation. Toutes sortes de malheurs peuvent arriver à un croyant rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit ne signifie pas que nous échappons aux souffrances du reste de la race humaine et que Dieu va s'assurer que tout aille toujours bien pour nous. Cependant, le chrétien spirituel est différent des autres. Il ne perd pas sa paix alors que tout est contre lui. Il ne perd pas sa joie, bien que les circonstances pourraient provoquer une telle perte. Il ne cède pas à la convoitise lorsqu'il est fortement tenté. Il ne devient pas dur, cruel, méchant et il n'emploie pas de vocabulaire blessant et agressif parce que quelqu'un agit ainsi avec lui. Le chrétien qui a la plénitude de l'esprit n'est pas contrôlé par ses circonstances. Un non-croyant peut connaître la paix. Il peut être patient et fidèle. Il en est ainsi lorsque tout va bien, tout fonctionne comme il le désire. Il est facile d'être paisible, patient et fidèle lorsque tout se déroule selon nos plans, selon notre volonté. Cependant, le véritable test ne se produit pas lorsque tout va bien. Notre véritable caractère se révèle lorsque le ciel nous tombe sur la tête et que tout se met à mal aller. Le fruit de l'esprit se manifeste dans la réaction du chrétien spirituel qui se retrouve dans l'adversité. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour lorsque je n'en ressens pas. La joie, quand j'ai toutes les raisons d'être triste. La paix, alors que je suis entouré de conflits. La bonté, lorsqu'on m'accuse injustement. La bienveillance, lorsqu'on est dur avec moi. Et la maîtrise de soi, lorsque je suis attaqué de toutes parts. Si vous désirez savoir si une personne est un chrétien rempli de l'esprit, observez-la au milieu des conflits, de la persécution, des revers financiers, des bouleversements, des chagrins, des difficultés. Est-ce que cette personne manifeste toujours le fruit de l'esprit? C'est ainsi que nous pouvons distinguer un chrétien spirituel de quelqu'un qui ne l'est pas. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous sommes quand tout va bien, mais quand nous sommes dans l'adversité. Il est beaucoup plus facile de chanter des solos, prêcher, écrire des livres, enseigner pendant l'école du dimanche, chanter avec la chorale, aller en mission, témoigner, que d'être ce que Dieu veut que nous soyons alors que nos circonstances semblent être entièrement contre nous. Une personne qui a la plénitude de l'esprit souffre tout de même à cause des circonstances difficiles. Cela ne signifie pas que l'idée de se venger ne lui est pas venue à l'esprit. Cela ne signifie pas qu'elle n'a pas envie de se battre sur le coup. Cela ne signifie pas non plus qu'elle ne ressente pas une certaine tristesse. la personne remplie de l'esprit passe par la même gamme d'émotions que les gens généraux, mais à la différence qu'elle se ressaisit très vite et se recentre sur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as dit que j'ai tout pleinement en toi. Tu as dit que l'Esprit Saint habite en moi de sorte qu'il ne me manque rien. Tu as dit qu'il vivait en moi et à travers moi. Je mets donc entièrement ma confiance en lui pour réagir à travers moi, sachant qu'avec toi, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire face à la situation. C'est ce qui fait la différence. Un collègue de travail s'en prend à vous parce qu'il veut votre poste. Vous pouvez réagir de deux façons. L'homme d'affaires en vous dit « Pas trop vite, pasteur. C'est bien pour un pasteur. Je comprends qu'un pasteur dans une église doit agir ainsi, mais vous ne savez pas avec quelle sorte de personne je travaille. Est-ce que je dois être perçu comme une personne facile à bousculer au travail? Alors que tous essaient de me supplanter, je dois les aimer et leur manifester de la bonté? Jamais! Ils me mangeraient la laine sur le dos! » Qu'en est-il de riposter, de se venger, d'être hostile, de se mettre en colère, de combattre, de ruiner son témoignage et d'agir avec impatience? Qu'est-ce qui vous va mieux, cela ou la sainteté? La réponse est simple. Le jour où vous avez reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, Dieu a commencé à vous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et riposter, se venger, être hostile, se mettre en colère, combattre, gâcher son témoignage, ainsi qu'agir avec impatience, ne vous convient plus parce que la Bible dit que vous êtes un saint à présent. Je n'ai pas dit que vous agissez toujours comme un saint, mais que vous en êtes un. Si vous êtes un croyant, vous êtes un saint et la vengeance, l'hostilité, la colère, l'amertume et le ressentiment ne vous conviennent plus puisque ce ne sont pas les caractéristiques d'un saint. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu habite en nous et l'Esprit veut manifester le caractère de Jésus-Christ à travers nous pendant les temps difficiles que nous traversons. Ce caractère comprend l'amour, la joie, la paix, la bonté et la bienveillance. Mais si j'agis ainsi, ils vont m'exploiter. C'est vrai que cela se produira. Permettez-moi de vous poser une question. Croyez-vous en la Bible? Croyez-vous en chaque mot de la Bible? Croyez-vous les paroles de l'apôtre Paul? « L'amour ne périt jamais » 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Le mot grec « ekpipto », qui est traduit par « périt », peut aussi avoir le sens d'échouer. L'amour ne succombe jamais. Tu dis que s'ils me harcèlent au travail ou s'ils veulent me supplanter, je dois les aimer en retour. Si vous désirez vous mettre en colère, agir avec hostilité, vous venger et rendre coup pour coup, comme le désirent plusieurs personnes, alors j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce qui vous sera plus profitable? Agir avec amour ou avec hostilité? Dans quelles circonstances Dieu va-t-il intervenir en votre faveur avec sa puissance divine et surnaturelle? Va-t-il le faire lorsque vous allez réagir comme les gens du monde, ou plutôt quand vous allez permettre à l'Esprit de manifester sa présence en vous et d'exprimer le caractère de Jésus? Voyez-vous, c'est aussi simple que cela. Dieu n'a pas rendu la vie chrétienne difficile. Il vous demande de mettre de côté les crises de colère et de laisser l'Esprit libérer sa puissance surnaturelle en votre faveur. C'est ce que l'apôtre Paul affirme lorsqu'il dit que l'amour n'échoue jamais. Cela est vrai ou faux? Si Paul l'a dit et que cela se trouve dans la Bible, cela est une vérité divine. L'amour finit par éventuellement gagner. Voyons la réalité en face. Qui est le plus heureux au cours d'un conflit ou dans l'épreuve et les difficultés? Est-ce la personne qui fait confiance à Dieu, sachant qu'il la défendra, ou est-ce la personne qui cherche la vengeance? La personne qui désire la vengeance laisse l'amertume et la rancœur prendre racine dans son cœur. Si vous les laissez mijoter dans votre cœur, vous pourriez avoir des ulcères. Vous rendez-vous compte que si vous acceptez d'encaisser les coups sans broncher, d'être attaqué et maltraité en vous appuyant sur l'Esprit de Dieu parce que vous avez sa plénitude, le jugement de vos adversaires a déjà commencé? ils seront frappés au cœur, à la poitrine, à l'estomac et dans le dos. Cela n'est que le commencement. Si vous laissez la colère, l'amertume et la rancœur s'enraciner dans votre cœur, vous en ressentirez les effets et votre santé en souffrira. Vous devrez éventuellement subir les conséquences horribles. La vie remplie de l'esprit est une vie fondée sur la confiance. J'ai confiance en l'esprit qui habite en moi. Il sera capable de faire face à n'importe quelle situation. Permettez-moi de vous poser une question. N'êtes-vous pas d'accord pour dire que l'esprit est suffisant? Dieu n'a pas dit que je devais être capable de tout régler, mais que l'esprit était amplement suffisant pour la tâche. Louons Dieu que nous ayons sa puissance. En effet, nous sommes totalement incapables de marcher chrétiennement, mais l'Esprit de Dieu manifeste sa présence en nous et à travers nous. Ce qui distingue le chrétien rempli de l'Esprit du reste des autres, c'est que le chrétien n'est pas contrôlé par ses circonstances, mais par l'Esprit. Il s'est volontairement soumis au contrôle de l'Esprit. Nous pouvons toujours reprendre les choses en main, cependant, à ce moment-là, nous nous comportons comme les gens du monde. Voyons maintenant la deuxième distinction entre le croyant rempli de l'Esprit et les autres. Non seulement ne sommes-nous pas contrôlés par nos circonstances, mais nous récupérons rapidement. Lorsque nous ferons face à l'adversité, il arrivera que nous péchions, soit en nous mettant en colère, soit en cédant à la tentation, soit en étant méchants ou en disant des paroles dures. L'Esprit nous permettra de nous ressaisir et de nous recentrer sur le Seigneur Jésus. Un croyant avec la plénitude de l'Esprit diffère d'un croyant qui ne l'a pas par sa vitesse de récupération. Seigneur, merci de me rappeler que mon attitude ne convient pas à ce que je suis en toi. Je fais confiance à ta vérité. Je te remercie pour ton pardon et pour ta plénitude. Merci d'avoir attiré mon attention sur cette faiblesse dans ma vie et de travailler dans mon cœur. Une personne qui a la plénitude de l'Esprit réagit immédiatement à la présence de l'Esprit qui lui parle. L'Esprit n'a pas besoin de l'assommer pour obtenir son attention, mais la personne s'en rend compte si elle n'a pas réagi selon la volonté et le plan de Dieu. Sa réaction n'étant pas correcte, elle rajuste immédiatement le tir. À la minute où nous réglons notre problème d'attitude face à ce qui nous frappe et que nous confessons nos torts, nous pouvons tomber dans le piège de l'apitoiement sur soi parce que nous nous sentons coupables. Cependant, un chrétien rempli de l'Esprit ne cède pas à l'apitoiement sur soi. En effet, il n'a pas le temps de le faire. Voici ce que j'entends par cette affirmation. Le croyant qui a la plénitude de l'Esprit se ressaisit si rapidement qu'il n'a pas le temps de passer au mode apitoiement sur soi. Il est déjà rendu au mode gratitude envers Dieu. Même un chrétien rempli de l'Esprit pêche, car il n'est pas parfait. Il nous arrive à tous de trébucher, même au plus fort. Nous allons dire des paroles que nous regretterons et nous allons commettre des gestes inexcusables. Est-ce que cela est possible lorsque nous sommes absolument sous le contrôle de l'Esprit? Oui, parce que nous avons toujours notre vieille nature. Nous vivons toujours dans un corps de chair et sur cette terre, dans un monde réel. Tout comme la personne perdue, nous vivons et marchons dans un monde de péché et de rébellion. Nous vivons dans un monde où nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles, des démons, des esprits mauvais. Nous avons affaire à ces êtres spirituels. Ainsi donc, la vie spirituelle n'est pas une vie d'aise, de confort et de plaisir. C'est une vie parsemée de difficultés, de tensions, d'épreuves, de persécutions et finalement de tant de joie parce que plus rien ne peut l'ébranler. Le chrétien spirituel fait face à tout cela, mais s'il réagit selon le monde, il se reprend immédiatement. Le chrétien spirituel ne permet pas à ses circonstances d'empêcher le caractère du Seigneur Jésus qui l'habite de se manifester à travers lui. Dieu n'a jamais fait de la vie chrétienne un code de règlement et de loi auquel devaient se conformer ses enfants. De plus, si votre but est désormais de produire les fruits de l'Esprit, alors avant le coucher du soleil, vous serez déçus de vous-même. Pourquoi ? en sera-t-il ainsi? Eh bien, c'est impossible de transformer votre propre vie, c'est la vie de Christ en vous qui doit se manifester. Cela se fait lorsque nous nous soumettons librement au Seigneur Jésus et au contrôle de l'Esprit. Cependant, la question véritablement importante pour vous n'est pas de savoir si vous pouvez reconnaître un chrétien qui a la plénitude de l'Esprit, mais si vous en êtes un. J'ai essayé de vous encourager en vous rappelant que vous allez commettre des erreurs, trébucher et pécher. L'apôtre Paul n'a jamais prétendu être sans péché, parfait, ni qu'il n'allait jamais chanceler ou trébucher. Si vous lisez le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, vous verrez qu'il a eu des problèmes avec sa chair. Il parlait par expérience. Plus tard, il a dit aux Éphésiens, « Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Citation d'Éphésiens chapitre 5, verset 18. « Nous devons être enivrés avec rien d'autre que la joie que procure une relation intime et personnelle avec le Seigneur Jésus. » Mes amis, il est la seule substance toxique qui puisse combler l'âme humaine. Lorsque nous nous soumettons à lui et que nous lui permettons de manifester sa vie en nous et à travers nous, nous devenons la personne que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes alors capables d'accomplir toutes les tâches qu'il nous a confiées. Lorsque les gens vous rencontreront, ils verront que vous êtes un chrétien. Lorsque l'Esprit produira en vous sa grappe de 9 fruits, cela se verra sur votre visage et les gens seront attirés vers vous. Plus ils vous connaîtront, plus ils vous aimeront. Nous sommes attrayants en autant que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que les gens pensent, car c'est le Seigneur Jésus qu'ils verront en vous. De plus, mes amis, il est impossible de cacher le Seigneur Jésus qui habite en vous et qui est manifesté par le Saint-Esprit. La présence du Seigneur Jésus en vous est visible. Voici une question très simple. Désirez-vous jouir de la vie la plus épanouie? Notez que je n'ai pas dit sans difficulté ni souffrance. Nous ne pouvons pas échapper à celle-ci. Cependant, voulez-vous jouir de la meilleure vie possible dans un état d'âme comblé? Désirez-vous atteindre votre plein potentiel comme enfant de Dieu? Désirez-vous découvrir ce que Dieu veut vraiment faire dans votre vie? Voulez-vous que l'Esprit manifeste la vie de Christ à travers vous? Voulez-vous vivre sans être contrôlé par vos circonstances, de sorte qu'importe ce qui arrive, votre paix intérieure n'est pas troublée, car votre âme est ancrée en Christ? Ainsi, vous pouvez tenir ferme dans les pires tempêtes. Pour obtenir tout cela, vous n'avez qu'à remettre les commandes de votre vie entière, corps, âme et esprit, au Seigneur Jésus qui en est le propriétaire légitime. À chaque moment, demeurez soumis au Saint-Esprit, dépendez de lui et soyez sensibles à sa présence en vous. C'est cela le secret de la marche chrétienne. C'est simple, mais pas toujours facile. En plus de céder les commandes de votre vie à Jésus-Christ, il vous faut la confiance sincère d'un enfant, c'est-à-dire la foi. Nous devons croire que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Je vous invite à faire une chose. Examinez votre passé, non pour mesurer la distance qui sépare ce que vous êtes de ce que Dieu veut que vous soyez, un porteur de la grappe du fruit de l'Esprit, mais pour vous demander si vous avez le type de vie que vous désirez vraiment. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut être rempli de l'Esprit pour être à votre meilleur, pour réussir le mieux possible, pour découvrir votre plein potentiel et pour glorifier Dieu afin d'en attirer d'autres au Seigneur Jésus? Est-ce que vous croyez influencer les gens le plus quand vous avez la plénitude de l'Esprit? Est-ce que vous croyez que la plénitude de l'Esprit est nécessaire pour ne plus être contrôlé par vos circonstances lorsque vous leur faites face quotidiennement? Il faut céder à l'Esprit de Dieu et lui faire entièrement confiance. C'est très simple. Êtes-vous disposé à laisser l'Esprit diriger votre vie et à le laisser agir en vous et par vous? La Bible nous dit « Soyez rempli de l'Esprit. C'est un ordre. Nous pouvons l'accomplir par la force de Dieu. Avez-vous identifié quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas encore cédé au Seigneur? Quoique le faire puisse être difficile ou même douloureux, Charles Stanley vous invite à tout remettre entre les mains de votre Père céleste. C'est en effet seulement quand nous délaissons notre droit de contrôle sur notre vie que nous expérimentons la plénitude de l'Esprit. Quand nous demeurons dans le Seigneur Jésus, le fruit de l'Esprit se manifeste dans notre vie. Galates 5, 13 dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par l'amour, serviteurs les uns des autres. » De plus, nous lisons au verset 17 et 18 « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » La vie chrétienne, ce n'est pas un code de règles et de lois, mais c'est être ce que Dieu veut que nous soyons. Pour en arriver là, il faut une relation intime et personnelle avec le Seigneur Jésus et il faut lui remettre les commandes de notre vie, toutes, sans exception. Nous marchons alors selon les principes bibliques et dans les voies de Dieu, sous le contrôle et la puissance de son Esprit. C'est cela la liberté chrétienne. Dieu ne nous donne jamais la liberté de vivre dans le péché et de marcher selon la chair. La liberté qu'il nous donne, c'est une flexibilité dans la façon dont nous allons lui exprimer notre amour. Et cette liberté nous affranchit des désirs mauvais et parfois contradictoires. Collaborons avec l'Esprit de Dieu en méditant sa parole quotidiennement et sérieusement. Passons du temps chaque jour à lui parler. Priez, ce n'est pas énumérer une liste de requêtes, mais c'est parler à Dieu des choses que nous avons sur notre cœur, comme un enfant avec ses parents ou une personne avec son ou sa conjointe. Faisons cela afin qu'il nous transforme à l'image de son Fils. Aussi, nous pourrons marcher sous le contrôle du Saint-Esprit, refléter cette image du Seigneur Jésus et porter le fruit de son Esprit. L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.